enculé. Le bâtiment 7 à la Castellane. Semble à ce qu'on va répondre à l'appel avec du pilon, tu pues à mort la bœuf. Boum, boum, boum, boum, je m'enfonce dans la 45. Le monde est qui est pris de vitesse, comme j'ai des ailerons, ils peuvent pas me prendre en chasse. Et pour pas changer, je suis sous Jack Connais. Comme des baisers, elle dit que je la connais. T'as vu comme ça branche et que tu la reconnais. À mon poignet, une royale au chrono. Tu dans le futur, tu peux plus me voir. À la concours, je n'en lâche que des topettes. Que des topettes, tu as des kilomètres. Je suis tellement là, je suis dans une autre planète. Qui c'est qui l'ouvre qu'on démonte? Qui c'est qui teste qu'on lui montre? J'suis toujours dans le bâtiment. Et plus d'un an que je leur démontre. Aujourd'hui, j'ai un compte en banque. Carrément chef d'entreprise. Mais toujours la boule au ventre quand y'a les keufs à la tisse. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Décale quand on descend l'allée. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Oh oh oh. Y'a sans baisse à combalader. Y'a le bâtiment c'est déjà toute la canne. Si tu tentes il ne faut pas nous rater. Si on revient on ramène même ta madre. Et j'suis dans le mec ça va pas changer. J'suis dans le mec ça va pas changer. Et j'suis dans le mec ça va pas changer. J'suis dans le mec ça va pas changer. J'allais en cours, j'rêvais que de ça. Maintenant que j'suis là, j'compte bien demander mes mappés ça. J'suis pas né pour filmer mais la démarche est classe. Non, t'as pas idée, vaut mieux pas que tu saches. Calé comme Trunks, j'allume un bun. Il me faut du beef, après je dors, sinon c'est mort. Quand les poches se remplissent, les rapaces viennent. La voiture fonce et le film qui est dans. Si y'a business, t'as mon adresse. 13 Marseille, bâtiment 7. Kobalade featuring sans blast. Leonidas featuring Shifty. Yo, haters, so it ain't no beef. Je les ken, donc elle croit que je la kiffe. J'suis dans le Benz, garé dans le parking. You fuck around, don't you come around, snitch. A skip, t'as les couilles de le faire. J'frôle avec les mêmes frères, dans les mêmes fers. Les condés font que pister, j'dois péter le score. Le million suffira pas, faudra creuser encore. Nous n'avons rien à voir avec ces bitches. La rue nous a éduqués, fais comment j'kick. Donc appelle si on prend du beef. Bitch. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Décale quand on descend l'allée. J'parle mal la faute à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Oh oh oh. Y'a sans baisse à co-balader. Y'a le bâtiment, c'est déjà toute la canne. Si tu tentes, il ne faut pas nous rater. Si on revient, on ramène ta madre. Et j'suis dans le mec, ça va pas changer. J'suis dans le mec, ça va pas changer. Et j'suis dans le mec, ça va pas changer. J'suis dans le mec, ça va pas changer. Là, j'suis dans le mec, ça bouge pas. J'suis dans le mec, ça bouge pas. J'parle mal, la faute à la cité.